Moi ma vie c'est pas un film et si je la foire ça coupe pas. Fils de chien t'es en dessous de moi, normal que tu me mettes des coups bas. J'ai commencé tout bas, aujourd'hui je suis tout bas. J'sais que j'ai beaucoup d'ennemis qui veulent me prendre comme tout bas. Clique pas on est que da. Ah là là, si je m'en sors pas aujourd'hui, inchallah je m'en sortirai de doigt. Partir loin, loin de tout ça, loin de ces mauvais souvenirs. Moi j'emmènerai ma maman. Lis dans nos yeux, y'a notre histoire. Une vie de chien, donc un vécu de bâtard. J'passe pas la tête, j'suis Kadhafi, j'suis Saddam. Les traîtres qui crachent dans la soupe, moi ils mangent pas à ma table. Elle veut porter mon nom. Ouais mon œil, elle veut porter du croco. Elle m'a pris pour Tory Lanez, donc j'vais rester solo. Ma belle, j'vis ma vie comme une rockstar. Retiens bien ma name, yeah. Yeah. Yeah. Du poids sur les épaules comme Piccolo. Ça ton petit cœur. Laisse-moi barrer sur l'île céleste. Être humain mes cœurs. Ils nous aiment pas c'est rigolo. Ils nous souhaiteraient même la mort. Dis-leur bien qu'on s'en bat les couilles. Y'a que Dieu qu'on a peur. Toi tu crois faire peur à qui? Dis-moi Zemel à qui? Comme les keufs assises du spa. On va venir te soulever dans ton lit. Oh my god, oh my god, oh my. J'réussis, ils ont mal, c'est normal. J'suis un blédard, elle me dit que j'fais plus qu'un riz. J'viens des montagnes, bébé, j'suis un vrai Jazzy. Et on est tout pas, tout pas, tout pas. J'arrive dans ta ville, accueilli comme une rockstar. Pas besoin de leur se fort, se fort, se fort. Juste moi et les miens, on fait notre bif et on harva. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.